Ézéchiel chapitre 23. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, il y a eu deux femmes, filles d'une même mère, qui se sont prostituées en Égypte, elles se sont abandonnées dans leur jeunesse, là leur sein fut déshonoré, et leur virginité flétrie. Et c'était ici leur nom, celui de la plus grande était Aola, et celui de sa sœur, Aholiba, elles étaient à moi, et elles ont enfanté des fils et des filles. Leur nom donc était Aola, qui était Samarie, et Aholiba, qui est Jérusalem. Or Aola a commis adultère étant ma femme, et s'est rendue amoureuse de ses amoureux, c'est-à-dire, des Assyriens, ses voisins, vêtus de pourpre, gouverneurs et magistrats, tout jeunes et aimables, tout cavaliers, montés sur des chevaux. Et elle a commis ses adultères avec eux, qui tous étaient les lits des enfants d'Assur, et avec tous ceux de qui elle s'est rendue amoureuse, et s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas même quitté ses fornications qu'elle avait apportées d'Égypte, où l'on avait couché avec elle dans sa jeunesse, où l'on avait déshonoré sa virginité, et où il s'était livré à l'impureté avec elle. C'est pourquoi je l'ai livré entre les mains de ses amoureux, entre les mains, dis-je, des enfants d'Assur, dont elle s'était rendue amoureuse. Ils l'ont couverte d'opprobre, ils ont enlevé ses fils et ses filles, et l'ont tuée elle-même avec l'épée, et elle a été fameuse entre les femmes, après qu'ils ont exercé des jugements sur elle. Et quand sa sœur Aholiba a vu cela, elle a fait pis qu'elle dans ses amours, même elle a fait pis dans ses débauches, que sa sœur n'avait fait dans les siennes. Elle s'est rendue amoureuse des enfants d'Assur, des gouverneurs et des magistrats, ses voisins, vêtus magnifiquement, et des cavaliers montés sur des chevaux, tout jeune et bien fait. Et j'ai vu qu'elle s'était souillée, et que c'était un même train de toutes les deux. Et encore a-t-elle augmenté ses impudicités, car ayant vu des hommes portraits sur la paroi, les images des Chaldéens, peints de vermillon, simples baudriers sur leurs reins, et ayant des habillements de tête flottant éteints, eux tout ayant l'apparence de grands seigneurs, et la ressemblance des enfants de Babylone en Chaldée, terre de leur naissance. Elle s'en est rendue amoureuse par le regard de ses yeux, et a envoyé des messagers vers eux au pays des Chaldéens. Et les enfants de Babylone sont venus vers elle au lit de ses prostitutions, et l'ont souillée par leurs adultères, et elle s'est aussi souillée avec eux, et après cela son cœur s'est détaché d'eux. Elle a donc manifesté ses fornications, et fait connaître son opprobre, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Car elle a multiplié ses adultères, jusqu'à rappeler le souvenir des jours de sa jeunesse, auxquels elle s'était abandonnée au pays d'Égypte, et s'est rendue amoureuse de leurs fornicateurs, la chair desquels est comme la chair des ânes, et dont la force égale celle des chevaux. Tu as donc repris les actions de ta jeunesse, lorsque tu as été déshonoré, depuis que tu étais en Égypte, à cause du sein de ta jeunesse. C'est pourquoi, ô Aholiba, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je m'en vais réveiller contre toi tous tes amoureux, desquels ton cœur s'est détaché, et je les amènerai contre toi tout à l'environ. Savoir, les enfants de Babylone, et tous les Chaldéens, Péco, Sola, Koa, et tous les Assyriens avec eux, tous jeunes gens d'élite, gouverneurs et magistrats, grands seigneurs et renommés, tout montant à cheval. Et ils viendront contre toi avec des chars, des chariots et des charrettes, et avec un grand amas de peuple, et ils emploieront contre toi, de toutes parts, des écus, des boucliers et des casques, et je leur mettrai le jugement en main, et ils te jugeront selon leur jugement. Et je mettrai ma jalousie contre toi, et ils agiront contre toi avec fureur, ils te retrancheront le nez et les oreilles, et ce qui sera demeuré de reste en toi, tombera par l'épée. Ils enlèveront tes fils et tes filles, et ce qui sera demeuré de reste en toi, sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et enlèveront les ornements dont tu te pars. Et je ferai cesser en toi ton énormité, et ta fornication que tu as apportée du pays d'Égypte, et tu ne lèveras plus tes yeux vers eux, et ne te souviendras plus de l'Égypte. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je vais te livrer en la main de ceux que tu es, en la main de ceux de qui ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, et enlèveront tout ton travail, et te laisseront toute nue et toute découverte, et la turpitude de tes adultères, et de ton énormité, et de tes fornications, sera découverte. On te fera ces choses-là, parce que tu t'es prostitué aux nations, avec lesquels tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans le chemin de ta sœur, c'est pourquoi je mettrai sa coupe en ta main. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, tu boiras la coupe profonde et large de ta sœur, qui sera une coupe d'une grande mesure, tu seras en dérision et en moquerie. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur, par la coupe de désolation et de dégâts, qui est la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras et la suceras, et tu en briseras les têtes, et tu déchireras ton sein, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu m'as mis en oubli, et que tu m'as jeté derrière ton dos, aussi porteras-tu la peine de ton énormité et de tes adultères. Puis l'Éternel me dit, fils d'homme, ne jugeras-tu pas à Ola et à Oliba? Déclare-leur donc leurs abominations. Déclare-leur comment elles ont commis adultère, et comment il y a du sang dans leurs mains. Comment, dis-je, elles ont commis adultère avec leurs idoles, et ont même fait passer par le feu, leurs enfants pour les consumer, ces enfants qu'elles m'avaient enfantés. Voici encore ce qu'elles m'ont fait, elles ont souillé mon saint lieu ce même jour-là, et ont profané mes sabbats. Car, après avoir égorgé leurs enfants à leurs idoles, elles sont entrées ce même jour-là, dans mon saint lieu pour le profaner, et voilà comment elles ont fait au milieu de ma maison. Et qui plus est, elles ont envoyé vers des hommes d'un pays éloigné, qui sont venus aussitôt que les messagers leur ont été envoyés, et pour l'amour de tu t'es lavé, et tu as fardé ton visage, et t'es paré d'ornements, et t'es assise sur un lit honorable, devant lequel a été apprêtée une table sur laquelle tu as mis mon parfum et mon huile de senteur. Et il y a eu en elle le bruit d'une troupe de gens qui sont à leur aise, et outre ces hommes-là, tant il y a eu de gens, on a fait venir des Sabéens du désert, qui ont mis des bracelets en leurs mains, et des couronnes magnifiques sur leurs têtes. Et j'ai dit touchant celles qui avaient vieilli dans l'adultère, maintenant ces impudicités prendront fin, et elles aussi. Et toutefois on est venu vers elles, comme on vient vers une femme prostituée, ils sont ainsi venus vers Aola et vers Aholiba, femme pleine d'énormité. Les hommes jugent donc et jugeront, comme on juge les femmes adultères, et comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères, et le sang est en leurs mains. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, qu'on fasse monter l'assemblée contre elles, et qu'elles soient abandonnées au tumulte et au pillage, et que l'assemblée les assomme de pierres, et les taille en pièces avec leurs épées, qu'ils tuent leurs fils et leurs filles, et qu'ils brûlent au feu leur maison. Et ainsi j'abolirai du pays l'énormité, et toutes les femmes seront enseignées à ne faire point selon votre énormité. On mettra votre énormité sur vous, et vous porterez les péchés de vos idoles, et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel.